Bonjour. Direct samedi le 6 mai 2023. Donc, je vais attendre un petit peu que les gens arrivent. Bon, c'est un jour de couronnement qui pleuvait. Bon, ben, c'est ça. Bonjour, Lindus. Donc, bon, je ne sais pas trop de quoi parler. Là, on verra. On verra. Bonjour, Jean. Donc, moi, il fait beau aujourd'hui. Je pense pas faire un direct longtemps. Je vais sortir. Bonjour, Didier. Donc, on verra. Est-ce qu'il y avait des sujets? Bonjour, Virginie. C'est pas les sujets qui manquent, moi, mais moi, j'en ai pas. J'en ai pas. Bonjour, maman présente. Donc, dernièrement, même, j'ai fait. Ah, Roselyne. Donc, même dernièrement, j'ai fait une vidéo où je parle de placement. C'est parce que, justement, je ne savais pas de quoi parler. Il y a l'affaire sur l'énéagramme. Je vais faire ça peut-être la semaine prochaine. Puis, bon, à part ça, là, ceux qui s'intéressent, mais pas l'énéagramme au sens philosophique, là. On va regarder la structure de ça. Nous sommes tous rois et reines dans notre royaume, tous sans exception. Je sais pas. Je suis pas certain. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a un contexte extérieur, puis bon, il y a une hiérarchie qui vient de l'extérieur. Donc, ben non, c'est encore au niveau constitutionnel, il me semble que le roi d'Angleterre a encore droit de vie et de mort sur ces sujets. C'est spécial, hein? Ah, Mister Guerrière, bonjour. Donc, bon, ces vieilles affaires-là, c'est sûr qu'un jour, ça va disparaître, mais bon, je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand. Je vais sûrement disparaître avant. Hein? On va pas. En tout cas, il y a même des certains changements de société que des fois, oui, moi, ça me dérange un peu. Mais je sais que j'ai une personnalité détestable un peu. Donc, je dois me tromper sur certaines choses. Il y a peut-être certains avancements qui ne sont pas mauvais. Au fond. Puis oui, peut-être qu'on s'en va vers un monde que moi ne me plaît pas. Mais bon. Peut-être que qui sait comment ça va aboutir, puisque ça va être réellement. Ça, de toute façon, moi, je ne serai pas là toujours, toujours. Fait que là, bon, je n'aurai pas à subir ça tout le temps. Mais il reste que non, des fois, je suis peut-être opiniâtre sur certaines choses. Puis, c'est certain que ma personnalité, qui n'est pas ma personne, bon, c'est pas prêt. Donc, au niveau de ma personnalité, oui, je dois me tromper sur beaucoup de choses. Puis, il y a ce côté-là. Qui veut être assuré. On a tous ça. Puis, des fois, bon, c'est sûr qu'il y a des nouvelles choses qu'on le voit que c'est malsain. On le voit que c'est malsain. Mais il va falloir composer avec pareil, dans le sens que, bon, ce que l'individu voit, puis ce que le collectif intègre, c'est pas pareil. Donc, il va falloir le vivre. Ça donne à rien là, de s'opposer. Bonjour Didier, j'insiste sur quoi? Quoi, vous disiez quoi donc avant? Bonjour, vous insistez sur le bonjour? Non, nous sommes tous rois et reines. Ben oui, mais roi et reine de quoi, là? Un roi, c'est quelqu'un qui est dans une hiérarchie autoritaire avec du monde en dessous. Si vous êtes dans votre autorité, puis tout, vous n'avez même pas besoin d'être roi. Même pas besoin. Parlez-nous du processus révolutionnaire de la conscience. Est-ce que c'est vraiment révolutionnaire? On pourrait parler plus évolutionnaire. Évolutionnaire que révolutionnaire. Ben, je sais que c'est pas collectif. C'est pour ça que quand il y a du nouveau, ben, c'est ça qui m'intéresse ces temps-ci. Ben, prenez l'individu. Qu'est-ce qui fait sa conscience, entre autres. Dernièrement, je regardais les aspects magnétiques, positifs, négatifs. Est-ce qu'il y a de l'interplanaire? C'est-à-dire, l'individu, oui, sa conscience, ça ne vient pas de... Je considère que sa conscience ne vient pas de sa structure cellulaire. La conscience est sur un plan, si on peut dire. Elle est plus subtile que la matière, qui est plus un support, puis ça se manifeste dans le cellulaire. Mais pour ça, il faut que les configurations soient alignées, on dirait. Mais... Même là, on tombe dans des choses, ça devient, je trouve ça flou à un moment donné. Mais si on n'est pas intelligent tout seul, puis que l'intelligence est collective, la conscience c'est individuelle. Donc, au niveau de l'évolution de l'individu, c'est quand il est face à lui-même un peu, mais il est réactif face au reste. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose, de... l'évolution des structures en tant que réceptacle. Mais là, je ne parle pas de l'évolution darwinienne. Il faut qu'il y ait une intégration de l'expérimental, c'est-à-dire l'individu, il faut qu'il soit mis en mouvement. Tous ces processus-là, je viens tanner. Peut-on avoir un pouvoir sur l'événementiel en usant d'autorité? Ben oui. Mais l'autorité, c'est pas ce qu'on pense. Il y a une différence entre l'autorité qui est d'imposer, puis l'autorité qui est de s'imposer, puis l'autorité qui va d'elle-même. C'est comme quelqu'un qui est éloquent, par exemple. Ça arrive des fois. Donc, quand c'est l'éloquence, quand c'est les gens, les événements même. On dirait que la parole va avoir un effet. Mais c'est pas de l'autorité au sens hiérarchique. C'est pas social, là. Mais oui, l'autorité. L'autorité réelle, c'est quoi? C'est ce qui va de soi, on dirait. Puis bon. Quand quelque chose a été local, puis que c'est évident, ben ça, c'est de l'autorité réelle. Mais de l'autorité imposée, là, comme on voit en France, là, ça, c'est de l'autoritarisme. Conscient d'être conscient, ça, je trouve ça inquiétant des fois, parce que, comme on peut rêver qu'on se réveille, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Le magnétisme sur la conscience est lié aussi à la position géographique suivant où l'on se trouve sur la planète. Ça, je suis pas certain. Ben, dernièrement, je regardais ça, puis je me disais, c'est drôle, hein? Vraiment, je ne suis pas certain. Je pense qu'il y en a partout. Du monde, quand même, assez allumé. Est-ce que c'est si circonstanciel que ça? Même des fois, on dirait que ça vient, ça éclot, où il n'y en a pas. Comme en réaction, comme s'il y avait une mécanique de défense. La conscience, c'est un peu une mécanique. On dirait que ça apparaît un peu comme de la même façon qui fait qu'il y a des animaux qui ont des dents et des griffes presque. Voilà, je dis ça comme ça, il ne faut pas le généraliser. Là. Mais le magnétisme sur la conscience est lié aussi à la position géographique suivante où l'on se trouve sur la planète, peut-être. Mais j'ai l'impression que ça, il y a quelque chose qui précède ça. On ne vient pas au monde n'importe où. Puis il y a de la programmation, c'est sûr. Mais là, quand je parle de la programmation, il y a du comme on dirait qu'il y a du prédéfini. Comme peut être le centième singe. Ah, oui, je ne connais pas le... Bonjour du Mexique, ah oui. Ah. Hegel parlait de l'autoconscience dans sa phénoménologie de l'esprit. Alors, vous savez, là, la philosophie, là. À un moment donné, c'est quoi l'autoconscience? C'est parce que la conscience, est-ce que ça se réfléchit? Là, ça devient de l'intellect. Il y avait de la conscience avant ça. C'est quoi de la présence? Voir quelque chose, puis savoir qu'on est là, puis être présent, puis À ce niveau-là, il y a même certains animaux que je considère qu'ils ont une certaine conscience, plus que bien du monde, qui réfléchissent tout. La présence voit quelque chose. Il va falloir que la vue fusionne avec l'intellect à un moment donné. Que les sens soient un support, pas une prison. C'est-à-dire une structure pleine de fenêtres. Pas quelque chose qui fait que, bon, si on peut dire la perception, on dirait que la lumière, elle entre, puis qu'elle se réfléchit elle-même, puis ça devient une sorte de. Bon, est-ce que ça vient de l'extérieur vers la structure ou est-ce que ça sort? Est-ce que ça, tu sais quoi, rayonner? Là, est-ce qu'on est encore dans de la philosophie ou. Pas certain. Je suis pas certain. L'autoconscience. Si on a une conscience de sa conscience, bon, on va parler d'une métaconscience. OK, pourquoi pas? Présence, perception, conscience, moins. Mais la conscience est souvent liée. Ouais. Ben oui. Je veux dire, la conscience. Il va y avoir une individualisation de l'intelligence. Mais faut qu'il y ait un contexte. C'est pour ça que, en dehors de l'incarnation, pas en dehors de la matière, puis en dehors, je ne suis pas sûr que la conscience, il y en a tant que ça. C'est autre chose. J'ai toujours été certain que l'univers est intelligent, entre guillemets. Mais de la conscience sans une loupe, là, qui densifie un point, si on peut dire, là. Est-ce qu'il peut avoir de la conscience sans système nerveux, là? C'est une autre affaire. En dehors du temps et de l'espace de la conscience, on peut, ben oui, percevoir de l'information. J'ai vu, il y a des expériences par rapport à ça. Mais de la conscience, est-ce que ça peut s'auto-définir? Oui, même ça ne peut pas être autrement. Hein? Bon, mais d'un autre côté, c'est parce qu'il y a la réflexion pratique, puis il y a la réflexion inutile. Dernièrement, j'ai été un peu forcé de regarder ça, l'affaire. C'est pas nous qui pensons. C'est pas nous qui pensons. Ah oui. Oui, il y a des pensées qui sont captées qui viennent pas de nous. On pourrait dire une certaine subjectivité. Il y a de la programmation, il y a bon. Mais être créatif, c'est mettre. Donc, le discernement à ce niveau-là, ça va être faire la différence à travers ce qui nous passe dans la tête, les pensées qui viennent de nous, les pensées qui viennent. Donc, l'affaire, bon. Mais moi, je trouve qu'il y a un petit côté sectaire à ça. J'entends tout ça souvent. C'est pas toi qui penses, mais oui, c'est pas moi qui pense. Je le sais que c'est arrivé que j'ai des phases de créativité, puis je m'étais, ça passait par l'ego en tant que de lentille, puis il y avait eu émission d'une forme pensée, carrément. Mais j'aime autant rester loin de tout ça. Puis bon, la personne qui me répétait ça, là, c'est pas toi qui penses, pas toi qui penses, mais elle a mal fini. À un moment donné, ouais, mais c'est quoi qui discerne les pensées? Il faut qu'il y ait un discernement, il faut qu'il y ait, bon, la conscience, ça vient pas d'ailleurs tant que ça, là. Si la pensée vient d'ailleurs, la conscience d'ici et maintenant. En tout cas, la conscience est la même le jour et la nuit. Sauf que parfois, j'en doute. La nuit, c'est pas désagréable. Ça dépend ce que vous voulez dire par là. Ça a l'air que j'ai faim. Je ferai un live pas long, puis bon, j'irai manger. Puis. Mais c'est sûr, la nuit, que les pensées ne sont pas pareilles. Certains. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Imaginez la nuit. Le soleil, ce n'est pas juste la lumière matérielle, il y a quelque chose d'autre. Il y a une influence d'autre. Bon, c'est comme j'aime ça dormir au soleil. Bon, c'est pas recommandé, mais tout est différent. Hein? Tout est. Qu'on le veuille ou pas, bon, on est influencé. Il y a de l'environnemental. L'expérimental, c'est de l'environnemental aussi. Puis bon. Mais moi, je serais curieux, est-ce que c'est parce que vous ne dormez pas la nuit? Vous dites, les pensées, des fois, c'est désagréable, mais oui. Moi, quand je dors, je pense. Mais là, ça dépend, là. Mais Roselyne, est-ce que c'est parce que vous ne dormez pas la nuit? Vous savez que ça peut se régler, ça. Bon, moi-même, j'ai eu de la misère étant plus jeune, j'en ai fait l'insomnie, puis bon. De toute façon, la pensée, c'est de la pensée. C'est-à-dire, ça va se mettre à tourner, ça n'arrête pas. Il y a une mécanicité d'association. Donc, je me réveille en plein cauchemar et le sommeil est absent souvent. Ah, ben, là, ça dépend, là, c'est du cas par cas. Mais, vous savez, je sais pas, moi, juste, ça dépend tout le temps aussi votre contexte particulier. Parce que souvent, quand on dort pas la nuit, c'est parce que l'être humain, vous savez, il est fait pour se dépenser. Hein? Bon. Je me rappelle d'un vieux film de mafieux, puis dans le film, il y avait un mafieux qui s'était fait installer une grosse piscine, puis il nageait dedans. Puis après, quand il sort de la piscine, il va s'asseoir pour regarder les journaux, puis il dit, j'aime ça nager, je dors beaucoup mieux le soir. Mais il reste que, bon, c'est une référence un peu bizarre que je vous donne là. Mais oui, là, d'avoir une journée bien remplie, ça peut peut-être aider. Mais là aussi, c'est une affaire de détente. C'est un peu comme il y en a beaucoup qui prônent la relaxation. Mais pour que le corps se relaxe, faut il faut qu'il ait été tendu. Des fois, pas mal, là. Donc, c'est pas mauvais, l'activité physique. Les choses comme ça. C'est une question d'équilibre. Moi, je le vois comme ça. Je suis souvent à dire, moi, je le vois comme ça. Pourquoi je fais ça? Justement parce qu'il ne faut pas que ce soit ce que je dis là, il ne faut pas que ça fasse autorité. Là, j'ai vu ça dernièrement. Il y en a, ils pensent que. Bon. Mais moi, je vous donne juste un son de cloche. Ce qui est important, c'est vous, là. Ce que vous, vous pensez, ce que vous, vous voyez. Mais il reste que, là, des fois, je vais parler du factuel constatable. Dans ce temps-là, bon, c'est vérifié par vous-même. Je suis d'accord avec vous, l'activité physique, ben oui, le corps humain est fait pour être en mouvement. Si le corps n'est pas beaucoup en mouvement, on dirait qu'il y a un transfert, puis là, il y a trop de mouvement dans l'intellect, le mental. Ça aide d'avoir une paix mentale si il y en a une dépense ailleurs. Puis c'est une question de timing, on dirait. Donc, bon, avoir un sommeil, personne, ben, je le vois vraiment comme ça, là. Il faut se dépenser, puis il faut être occupé. Il faut s'occuper. Puis, est-ce qu'on pourrait être réellement créatif si on ne fait rien? Si on fait. C'est pour ça que j'ai tout le temps fait plein de choses et tout le temps, ça aide. Personnellement, je trouve que ça aide. Puis quand t'arrives le soir, puis que je me couche, ben j'ai envie de dormir carrément. Mais j'ai fait un. Vous parlez de cauchemar. J'ai déjà discuté avec quelqu'un qui me disait que quand lui faisait des cauchemars, c'était bon signe. Mais là, bon. Mais ça m'est arrivé dernièrement. J'ai fait un rêve que. Ben, je me suis réveillé en colère. Je n'étais pas content. Je trouvais pas ça intelligent. Puis là, je chiale intérieurement. Je dis, pourquoi je rêve à ça, là? C'était des espèces d'entités extraterrestres qui faisaient tourner une machine avec des espèces de bobines. Le dessous de la machine, c'était comme du fouet cru. Ils faisaient tourner ça, puis ça faisait des chocs électromagnétiques qui électrocutaient l'espèce de masse biologique gélatineuse. Puis ils sortaient des créatures de ça. Quand il y avait une impulsion assez forte, la première créature qui sortait, c'était un être humain normal. Puis après, il ressortait deux versions plus dégénérées. C'était vraiment laid. Puis, c'est pas que c'était un cauchemar, mais puis en plus, c'est un rêve, vous savez, vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. C'est-à-dire, vous observez quelque chose, mais vous n'êtes pas comme inclus dans le contexte. J'ai regardé faire ça, qui était une espèce de façon bâtarde de créer de la vie, puis c'était laid. Puis, bon, je me disais, c'est quoi ça? Quand je me suis réveillé, j'étais en colère. Mais bon, j'avais eu un stress là, cette journée-là. Mais même si je suis stressé, quand je veux dormir, je dors pareil. Mais là, c'est ça. J'ai eu un sommeil peut-être plus agité, puis j'ai eu. Vous avez un voyage astral? Non, je pense pas. Ah non. C'est quoi les rêves? C'est des formes pensées encore. Mais là, le psychisme est en roue libre. Non, non, je fais la différence. Quand il y a des affaires comme ça, je fais la différence. Non, c'était vraiment un rêve, c'est-à-dire une construction. Puis le rêve, des fois, bon, c'est de savoir ce qui est intelligent derrière la forme veut manifester. Dans le fond, c'était un instantané de mon état psychique à ce moment-là. Puis là, je me demandais intérieurement, pourquoi c'est quoi ce rêve-là? Puis je me le suis fait décortiquer. Je me le suis fait décortiquer. Ben non, il y a dans les deux créatures dégénérées qui ressortaient après, il y en a une qui est la façade, c'est une espèce d'écran, puis tu te mélanges avec de la symbolique qui n'a pas rapport, là. Donc, bon. C'était dégueulasse. Vous avez rêvé dans votre colère? Ben, moi, je suis tout le temps en colère, là. Ben, en colère, c'était relativisé, là. Mais. Non, j'ai pas rêvé de ma colère, j'ai rêvé de ma relation avec certaines structures sociales par rapport à certains supports technologiques. Parce que je me rappelle, il y a une des créatures à un moment donné, c'est comme si elle était attaquée, puis c'était la plus laide, là, parce que chaque fois, il y en avait trois. Puis à un moment donné, ça disait comme dans un haut-parleur, attention, c'est un membre de la communauté. La communauté. Bon. Ah, ouais. Aujourd'hui, communauté, ça n'a plus le même sens qu'avant. Il est avide d'avoir la communauté de ceux qui aiment la salade de choux crémeuse, puis la communauté que c'est traditionnel. Ça n'a plus le même sens, là. C'est rendu n'importe quoi. Saul, bonjour. On peut rêver, se réveiller et se rendormir pour continuer le même rêve deux fois. Oui. Ben oui, c'est certain. Ben oui, ça m'est arrivé souvent, ça, enfant. Je l'ai vécu souvent. Puis même, j'ai vu des gens pourtant qui étudiaient les rêves qui niaient ce phénomène-là. Que ben, des centaines de milliers de personnes ont vécu. Bon, c'est drôle, hein? Les gens qui étudient les rêves, c'est des gens qui rêvent pas. Puis qui n'ont pas eu d'expérience intéressante, ben. Souvent, c'est un petit peu comme les ufologues, des fois, c'est du monde qui n'ont pas eu d'expérience. C'est juste son. Ou bien, dans le fond, c'est mieux comme ça, parce que là, il y avait peut-être une certaine objectivité. Si on voit ça. Bon, du coup, c'est des rêves vraiment pas agréables. J'ai un rôle d'assassin et j'observe sans aucun ressenti, aucune peine, rien. Ben, à un moment donné, je finirais peut-être. Ben là, je parle quand je le regarde, là. J'ai pas le choix de le regarder à partir de moi. Mais je serais peut-être en colère. D'avoir des rêves comme ça, puis bon, il y a moyen de s'opposer. On n'est pas obligé d'endurer n'importe quoi, même les rêves qu'on fait, on peut s'opposer. Alors, ça, c'est le temps, là, d'avoir une autorité. Ou bien de savoir pourquoi. Au moins que ça ait une fonction, puis de se rendre compte comment ça se fait. C'est quoi la fonction d'avoir des rêves comme ça? Parce que, bon, on n'est pas obligé de subir n'importe quoi, même à ce niveau-là. Moi, je trouve ça assez violent, là, ce que vous me dites. En plus, des fois, les rêves au niveau du langage, si on peut dire onirique, les personnages dans le rêve vont être des représentations un peu d'aspects de soi. Ça va être un instantané, un peu de l'état psychique du moment. On croquait des affaires d'assassins et puis il m'est arrivé une fois de faire trois séquences du même rêve avec deux réveils dedans. Ouais, ça arrive. C'est pour ça que c'est pas comme on nous le dit. L'activité onirique. Moi, je trouve que la science n'est pas si avancée qu'elle le pense. sur ces sujets-là. C'est ce que j'ai fait. Je ressens vraiment de la manipulation. Oui. Oui, ben. Ouais, moi, c'est un petit peu ça que je voulais dire, là. La fonction du rêve, c'est la prise de conscience. Ben, pas nécessairement. Ça dépend le rêve. Mais des fois, c'est juste de l'information sur l'état présent, actuel. En vous parlant à Saul, oui, c'est carrément possible. Ben oui, c'est vrai, le rêve en tant qu'information va rester. L'âme, c'est un petit peu comme un disque dur. Hein? Fait donc, bon, la mécanique des fois, là. Bonjour tout le monde, j'espère que tout roule au mieux pour vous tous. Ben oui, moi, ça va bien, en tout cas. Puis il fait beau en plus. Ça fait un bout de temps. En plus, j'ai remarqué, j'ai des vivaces que je pensais mortes. Ah, ben, Doria Roselyne, j'ai des vivaces que je pensais mortes qui reviennent. Puis aussi, bon, j'ai des rhizomes là, que j'avais plantés qui n'avaient pas éclos. Mais cette année, ça sort. Donc, je me suis dit, ah, bon, ben, c'est au moins ça. C'est juste que, bon, j'ai un petit ménage à faire, là. Mais, non, disons que ce n'est pas les activités qui vont manquer. Puis j'irai voir. Aujourd'hui, c'est sûr que je vais sortir. Puis bon, j'ai besoin de voir des gens. J'ai besoin de voir du monde. J'ai besoin de me promener. Oui, on peut apercevoir les petites plantes derrière. Ah, ça, c'est pas pareil, là. Ça, c'est un autre terrain qu'il y a derrière. Il y a un remblai derrière chez moi. Où il y a la villa de la propriétaire. Des propriétaires qui ont une grosse villa Queen Anne. Puis, ils sont sur une butte. Ces villas-là sont souvent bâties sur des terrains comme ça. Puis, le remblai descend jusque derrière ma fenêtre, puis on voit les arbres de leur terrain. Puis, bon. Moi, je sais que mes propriétaires sont pas. En ville, bon, il y en a qui les aiment pas. Mais moi, je n'ai jamais eu trop de problèmes. Je les aime bien. C'est du bon monde. Bon, alors, je ne vais pas parler de ça, là, mais bon. Oui, on peut apercevoir. OK. Ah, jardine aussi. Un peu. Oui, ben moi, je trouve que c'est l'activité la plus que j'aime le plus. Vraiment, là. La journée où je serai plus capable de faire ça, là, je pourrais dire, ah, je suis vieux. Hein? Ici aussi, lilas roses parfumées. Bref, c'est le printemps. Ah oui. Ici, c'est beaucoup plus tard. Les arbres, les feuillus commencent à peine à bourgeonner. C'est des petits bourgeons. Ben, j'en ai des petits arbres que je pensais morts, puis là, ils sont vivants. J'ai regardé hier. Donc, bon, c'est correct. J'ai moins de dommages que j'aurais cru. Il y a des choses qui sont réellement mortes, là. Mais non, dans mon coin, je suis tellement au nord qu'il n'y a pas de feuilles encore. Il n'y a pas de feuilles encore. Comme les rhizomes, je vois des petites pointes là, qui commencent là, à pousser. Puis, donc, bon, je me suis dit, il y a moins de dommages que je pensais. C'est toujours moins pire que ce que je pense. Parce que c'est pas moi qui pense. Mais l'affaire qui constate que c'est toujours pire que ce que je pense, ça vient de moi. Hein? Ah, c'est drôle ça. Mais il reste que, bon. La conscience, ça vient pas de nous autres. Les pensées, OK. Mais la conscience, ça n'aimait pas ça. Oui, peut-être ça peut être capté de. Bon. Heureusement qu'il y a de l'incarnation. C'est drôle, hein? Il y en a qui les intéressent. Moi, je pense qu'il y a l'instinct de préservation va faire que l'ego au contact du vibratoire va rationaliser l'expérimental, puis comme l'instinct de préservation va vouloir voir de la réincarnation. Tandis que notre étude, ça devrait être l'incarnation. Vraiment. Mais là, bon, ça, je parle juste pour moi, là. Hein? tout ce qui est lié à la mort. Puis bon, je viens tellement tanner. Hier, je regardais ça, il y a du monde sur Internet, ils se demandent les uns les autres, tu devrais te suicider. Puis la personne qui va demander à quelqu'un de se suicider elle-même est aux prises avec des forces morbides. Puis tôt ou tard, c'est à elle que ça va. En tout cas, les gens sont très, très. Là, ça ne vient pas d'eux autres, mais ils sont pas lui pareil. Le fait de le voir ou pas le voir, ça, c'est lié à eux autres, là. En tout cas, regardons les propriétés de la conscience. Oui. Ben oui. J'arrive mieux à distinguer la pensée qui me vient d'ailleurs et du coup en observant et moins d'identification à cela. Voilà. Ben, faut pas s'identifier à nos pensées. Mais la personnalité fait ça en roue libre. Il y a une différence entre la personne et la personnalité. Comme il y en a qui confondent ça. Puis après, c'est pareil pour les autres. C'est pas parce que je suis quelqu'un de détestable puis d'opiniâtre que je suis une mauvaise personne. Hein. Mais bon, bonjour tout le monde. Ah bonjour. Lorine, bonjour. Ah bonjour à vous. Mais il faut toujours rester vigilant car ça passe par tous les côtés, la manipulation. Ben oui. Ben oui. Mais ça peut pas passer par le centre. Ça peut, ça, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Vous êtes par tous les côtés. Ouais. Elle est expansive, relative, constante. Moi, ouais, la conscience. Mais c'est quoi qui va être intégral? L'intégration. Bon, ça fait combien de temps? Je pense que je vais cesser. Parce que bon, faudrait que je mange. Manipulable, moi. Qu'est-ce qui est manipulable? Est-ce que c'est la conscience? Dans le fond, l'ego psychologique. Et juste, ça, c'est une structure périphérique. Donc, bon, je le vois de même. Je le vois de même. Quand on est centré, c'est clair, le centre est plus grand. Ouais. C'est pour ça que je parlais rayonner. Ce qui rayonne, ça. C'est pas dispersé hein, le soleil. C'est. Salut, mon vieux. Ah ben, pas de quoi. Mince, je venais de m'asseoir pour t'écouter. Ben, vous pouvez réécouter. Vous prenez la. Vous faites un copier-coller de l'adresse en haut. C'est pour ce que je trouve que je fais pas mal de bruit, là. Ça veut dire qu'il faut que je mange. J'ai pas encore mangé aujourd'hui. Ben, bon. Ben oui. Ben, ça n'aura pas été long. Ben, je vais recommencer tranquillement à faire mes directs le samedi. La pratique du rite permet, ah oui, musulmans, d'accéder à la Shakina. La Sakina, oh, c'est-tu comme la Shekina des Hébreux? Quelle différence entre la paix des gens centrés dans le supramental et la Shakina? Ben, là, faudrait que je fasse correctement une étude de ces choses-là. Là, bon, ben franchement, bon, je me suis intéressé à un moment donné au soufisme et à des choses comme ça. Mais probablement que ben, c'est comme le supramental. Qu'est-ce qu'on veut dire dans le supramental? Comme si c'était une religion. Puis... Moi, il y a peut-être des affaires sectaires, puis c'est des proto-religions. C'est peut-être comparable des fois avec d'autres affaires. Mais moi, personnellement, je ne suis pas dans le supramental. Même pas du tout. Plus je regarde ça, plus je me rends compte, je vais avoir toute ma vie résisté aux aspects sociaux, là, aux aspects, ce qu'on pourrait dire, de la proto-religion. Puis ça marche pas avec moi. Ça marche pas avec moi. Mais il reste que, ouais, c'est quoi la différence entre être centré? Prenez les affaires là, de méditation, pleine conscience, puis bon, c'est-tu comparable à... D'après moi, être centré, vous n'avez même pas besoin de connaissances. Bon, on va quelle est la différence. Mais il faudrait que je regarde c'est quoi ce qu'on parle par rapport à ça. C'était-tu intéressant aujourd'hui? Bon, oui, quand même. Il est à réécouter. Ah oui, ouais, ben c'est ça, vous pouvez me réécouter avant de vous parler de. OK. Moi, je suis dans. Les codasses. vivre ici maintenant. Ouais, mais d'un autre côté, à un moment donné, je trouvais le monde parlait beaucoup à le moment présent, puis vivre le moment présent. Ouais, mais c'est intellectuel, puis réfléchi, c'est pas ça. Puis il y a beaucoup de monde qui dit, ah, faut que tu vives ton moment présent, ton moment présent. Ouais, ben là, après, si on n'observe pas, puis on n'a pas une notion que ça va par en avant, puis ça va par en arrière, là, on devient naïf, puis on ne verra pas venir des choses. Donc, ça dépend, là. Ça dépend. Ah, si on peut montrer quelques techniques, ça peut aider d'autres sans pour autant être sauveur. Moi, peut-être. Moi, ben, c'est ça l'intérêt, dans le fond. Moi, on ne peut pas se sauver. Mais aider, mais faut pas que ça soit de l'aide verticale. Faut que ça soit horizontal, si on peut dire. Je dois quitter, bonne journée. Ben moi aussi. Je sais pas pourquoi, là, j'ai une petite douleur de gorge. J'ai testé la pensée positive pendant une semaine, puis j'ai jeté ça d'un coup. Pensais que c'était idiot. Ben, il y a une différence entre la pensée positive comme une doctrine, comme il y a eu dans les années 80, puis être, bon, si vous êtes de bonne humeur d'une certaine façon, ou que vous voyez les choses du bon côté, là, c'est pas pareil. En tout cas, je dirais plutôt dans le maintenant, qui contient le passé, le présent et le futur. Voilà. Ben oui, si vous êtes centré, à un moment donné, on voit le futur en germe dans le présent. Puis on intègre le passé, on comprend mieux pourquoi on a vécu certaines choses. Vraiment, dans le fond, c'est ça que je le vois comme ça. Ah, c'est pas une autorité, là. La différence de la paix engendrée par le fait d'être centré et le fait d'être dans la pratique d'une tradition. Ouais, ben la tradition, c'est un support. Ça peut servir un temps. Donc, l'horizon, quelle vie. Ma blonde voulait, du temps, voulait me sauver. Elle s'est sauvée. J'ai une de mes ex que elle avait voulu couper les ponts. Ça m'avait fait de la peine. Mais j'avais respecté ça. Puis je ne l'achalais pas. Puis à un moment donné, j'avais des nouvelles. Elle avait des problèmes. Puis elle avait besoin. Puis j'ai dit, OK, ça va être 500 pièces. 500 pièces. Mais aujourd'hui, je regrette d'avoir agi de même. C'est ça, la personnalité, c'est détestable. Bon, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée à tout le monde. Ah, être centré dans le supramental, c'est plus en rapport avec l'intelligence pure et réelle. La Kshakina, c'est plus spirituel ou astral. Probablement que c'est sur moi. Mais il faudrait que je regarde. J'ai pas le choix parce que sinon, ça va être. Bon, ben, bonne journée à tous. Au revoir.